Mosaïque. Bonjour à tous, fidèles auditeurs, auditrices de la radio-télévision Isanganiro. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission. Mosaïque, aujourd'hui, nous allons parler de la politique d'élevage en stabulation permanente et interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour. Une loi irrelative a été mise en place le 4 octobre 2018. Un délai de 3 ans a été donné aux éleveurs pour se préparer, ce qui dit que le 4 octobre de l'année en cours 2021, la loi commence à être mise en application, si du moins rien ne change jusque-là. Il y a au moins 10 mesures préalables d'accompagnement pour la mise en application de cette loi. C'est notamment la vulgarisation de la loi, le renforcement des capacités des éleveurs et des encadreurs de l'élevage et la disponibilité et la vulgarisation de semences fourragères. Nous ne faisons que citer quelques-unes de ces mesures. Alors, pourquoi cette mesure aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu pour que les éleveurs puissent se conformer à la loi et dans le délai? Quels sont les défis, les responsabilités des autorités publiques et des éleveurs? La plus-value de cette politique, elle est comment? Qu'est-ce qui devrait être fait pour que l'élevage en stabulation permanente soit bénéfique et pour l'État et pour les éleveurs et les agriculteurs aussi? Parce que, après tout, ça va de pair, agriculture et élevage. Sur le plateau, nous sommes avec 2 invités. Honorable Gaston Sindimo, député de l'Assemblée nationale. Vous étiez le premier vice-président de la République du temps de la promulgation de la dite loi. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle en 2020 et au nom de l'UPRONA, bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, Vitaly. Francis Lohero, vous étiez indépendant, candidat aussi à l'élection présidentielle de 2020. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio-Télévision Isanganiro. Nous avons souhaité être avec un troisième invité, à savoir Pierre Ndoyo. Il est le président de l'Association burundaise des consommateurs, Avoco en sigle, mais il a été empêché à la toute dernière minute. Nous allons tenter de nous entretenir avec lui sur téléphone, et si la technique nous le permet. La mise en onde est assurée par Eli Kadogo, réalisation d'Alain Désiré Wukeyeneza, à la présentation Léonce Vitalivo. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. D'abord, avant d'entrer dans le vif de l'émission, permettez que l'on puisse suivre ensemble cet extrait du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, Deo-Guide Rurema, qui affirme que la loi a été minutieusement préparée. La dite loi a été pensée comme suit. Nous avons d'abord demandé les avis de la population. Ainsi, des visites de terrain et des réunions ont été effectuées. Tous se sont accordés à ce qu'il y ait cette loi pour plusieurs raisons. Par exemple, dans certaines régions, il n'y a plus de terres suffisantes pour que le bétail ait des pâturages. Et là, nous y observons régulièrement des litiges fonciers entre éleveurs et agriculteurs. Comme ministère de tutelle, nous nous rendons compte que l'errance du bétail véhicule beaucoup de maladies, d'où nous avons mis sur pied cette loi depuis 2018 avec un délai de grâce de 2 ans pour qu'elle soit mise en application. Lors de nos échanges avec les représentants du peuple, ces derniers m'ont indiqué que cette loi est déjà appliquée depuis 2018 dans certaines provinces comme Kayanza, Ngozi, Muyinga et Gitega et elle ne pose pas de problème. Par contre, elle viendra résoudre certains problèmes. Le Parlement a alors exigé que ce délai de grâce passe de 2 ans à 3 ans. Nous avons déjà terminé une campagne de sensibilisation dans tout le pays il y a quelques temps. Nous avons bien dit que ce délai va se terminer bientôt pour que la population se prépare en conséquence. Nous remarquons néanmoins une certaine réticence de la population dans quelques provinces, affirmant qu'il existe encore des pâturages et des terres domaniales de l'État. On pense que personne n'a le droit de regard sur ces terres de l'État. Mais nous conseillons à cette population que celui qui a une grande étendue de terre, communément appelée paddock, de la clôturer et y mettre son bétail pour brouter comme si le troupeau était sur la colline, et ceci a été mis dans cette loi. Ainsi, par exemple, ces vaches que nous recevons des donateurs et que nous distribuons à la population, aucune d'entre elles n'est donnée pour aller brouter sur la colline. Les populations bénéficiaires sont très contentes. C'est pourquoi nous leur disons que cette date butoir doit être respectée comme telle, car tous les concernés sont déjà sensibilisés à cette fin. Alors, honorable Gaston Sindimo, vous étiez dans les hautes institutions du pays, premier vice-président de la République, du temps de la promulgation de la loi. Quelles étaient les motivations? Quels étaient les objectifs? Bon, comme vous venez de l'entendre, le ministre ayant en charge l'agriculture et l'élevage dans ses obligations, il vient de le signaler, c'est que je ne peux rien ajouter de ce qu'il a ajouté, parce que c'est lui-même qui a présenté au Conseil des ministres la motivation de cette loi. Et lui aussi, il était toujours ministre à cette époque-là. Il était toujours ministre et c'est lui qui est venu nous présenter ce projet de loi au niveau du gouvernement. Et nous l'avons accepté comme c'est une loi qui est bénéfique pour les éleveurs et pour les Burundais. Donc, les modalités de la mettre en application, c'est ce que nous avons pris comme 2 ans au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement. Mais arrivé à l'Assemblée nationale, on a pris 3 parce qu'il y avait 2020 qui coïncidait avec les élections de 2020. On a cru que dans 3 ans, les conditionnalités pour mettre en application cette loi seront garanties dans 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous allons peut-être discuter, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui devrait être mis en application par le gouvernement ou par les éleveurs ont été mis en application? Une petite question honorable. Est-ce qu'il n'y avait pas, à cette époque-là, en 2018, est-ce qu'il n'y avait pas des personnalités qui craignaient qu'une fois la loi mise en application, elle pourrait provoquer la perte des voix en 2020 lors des élections générales qui ont eu lieu? Je ne peux pas dire qu'il y avait des... Parce que quand vous êtes en conseil des ministres, les discussions sont internes et on ne peut pas les mettre en vie aussi de tout le monde. Donc ça serait... Et c'est interne, parce que le travail, c'est comme ça que ça nous impose. Il y a des opinions qui le disent aussi, en tout cas. Vous savez, les opinions au niveau du conseil des ministres, sachez que cette loi a été discutée au niveau du conseil des ministres. Il y a ceux qui comprenaient et ceux qui ne comprenaient pas assez bien. Mais, de toutes les façons, si on a décidé cela, ça nous englobe nous tous. Donc, seulement c'était l'unicité du gouvernement. Des opinions le pensaient ainsi, parce que ça a été une première fois, je ne sais pas, une première fois qu'une loi soit votée, promulguée et attendre 3 ans. 3 ans, ce n'est pas peu pour la mise en application. Non, c'est parce que nous avons vu qu'il y a... Parce que souvent, la loi entre en vigueur le jour de sa signature, c'est souvent ce que l'on observe. Mais il y a les articles de transition transitoire. Donc nous avons vu que mettre en application cette loi au moment où nous l'avons promulguée au niveau du gouvernement, ça n'allait pas prendre. Donc c'est pourquoi je dis, pour que nous puissions mettre en application ceci ou cela, le gouvernement doit faire d'abord ça et ça et ça. Il faut donner du temps. Il faut donner du temps et se donner du temps aussi au gouvernement pour avoir les moyens de mettre toutes les conditions nécessaires permettant les éleveurs à mettre en application cette loi. Je reviendrai vers vous, mais tant que vous avez encore le micro, en tant que candidat à l'élection présidentielle en 2020, vous avez quelle vision en matière justement d'élevage et probablement de l'agriculture, parce que après tout ça va de pair. Vous savez, comme nous étions candidats. Et ce programme, c'est un programme où ce projet de loi est une loi louable. La façon de le mettre en application, c'est autre chose. Mais comme candidats, nous avions un projet d'élevage et d'agriculture mécanisé. C'est pourquoi tout cela découle du projet, du programme national de développement du pays. En commençant par cela, pour avoir les espaces, il fallait d'abord mettre la population dans des villages de développement. En mettant les gens dans les villages de développement, et cette fois-ci, on a les espaces nécessaires pour l'agriculture mécanisée et pour l'élevage, comme nous le demandons. Donc, nous avions ce programme, et d'ailleurs, nous avions même promis à la population qui n'a pas de vaches ou de quoi, de mettre les bas vaches à leur disposition pour que tous les Burundais puissent faire l'élevage, parce que quand vous disposez l'espace pour l'élevage, et les gens vont faire. On va y arriver. Il y a en tout cas un article, une disposition de la loi, de cette loi sur l'élevage en stabulation permanente et interdiction de la divagation de ces animaux domestiques et de la basse-cour. Il y a, je crois, une disposition qui le dit. Mais je vais revenir vers vous. Patientez que je me dirige vers Francis Rohiro. Vous aussi, vous avez été candidat à l'élection présidentielle en 2020. C'était politique d'élevage, en stabulation permanente et interdiction de la divagation des animaux domestiques. Ça vous fait quel sentiment, quelle impression? Le Burundi est un pays qui a sa superficie et qui a une population qui est sans cesse croissante. Il y a 100 ans, le Burundi avait une population de moins de 2 millions. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes une population d'environ 12 millions. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vivre demain comme on a vécu il y a des années. Il faut qu'il y ait des changements. Nous devons l'accepter, qu'on le veuille ou pas. Il est donc du devoir du gouvernement de penser ce qui est nécessaire et bien pour toute la population. Quand un gouvernement se sent légitime, qu'il a été élu, il a le devoir de créer sa vision et de l'imposer au peuple burundais et que la population suive. Donc, c'est dans cette optique que... C'est imposé ou proposé? C'est imposé, si vous voulez, parce que toute la population ne sera jamais d'accord sur toutes les choses. Et il revient à ceux qui gouvernent de penser le bien du peuple et de le faire. Et sur ce point, je ne crois pas que j'ai un problème quelconque. Et cette loi, c'est une très bonne loi. Moi, dans ma pensée au niveau des élections, j'avais prévu et je montrais comment on devait quitter un élevage presque de subsistance pour aller dans un élevage qui nous amène vers une production. Justement, j'allais vous poser la question de savoir si vous aviez cette politique ou comment est-ce que vous pensiez avoir mettre en application une loi en rapport avec l'élevage. Et c'est ce qui sera le nœud, si vous voulez, de tout ce débat, parce que la loi parle de deux côtés. Il y a ce que, quand vous statuez, vous mettez en place une loi, il y a ce qui doit être fait par la population. Et il y a ce qui doit être fait par le gouvernement. Quand moi je parlais de l'élevage, je montrais la part de l'investissement public pour qu'on quitte cet élevage. C'est-à-dire que l'éleveur burundais, c'est qui? C'est un paysan burundais, quelqu'un qui, à la limite, n'a pas été à l'école, qui ne sait même pas lire et écrire. Quelquefois, sauf les quelques cas qu'on voit de quelques intellectuels ici à côté qui se lancent sans être nécessairement convaincus de ce qu'ils font, juste parce qu'ils se disent c'est un endroit où on peut avoir de l'argent facile. L'éleveur burundais, naturellement, dans tout le pays, on constate que c'est quelqu'un qui est pauvre, qui élève des fois juste pour raccorder ses bouts de mois. C'est quelqu'un qui a pu envoyer ses enfants à l'école grâce à ce petit bétail qu'il avait, il essaie de tirer de gauche à droite, essayer de se lancer et voir ce qu'il peut faire. Alors moi, je me disais, on ne peut pas continuer avec cette sorte d'élevage. Le gouvernement doit investir, il doit créer une autre façon de prouver que l'éleveur... Et sans vous couper la parole, les Burundais vivent de l'élevage et agriculture à plus de 90%, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que j'affirme dans ma conviction. L'élevage et l'agriculture qui fait vivre 90% de la population, c'est ce métier qu'ils ont fait depuis l'enfance, où ils se disent, j'ai pas été à l'école, donc si je suis campagnard, je suis naturellement éleveur, je suis naturellement agriculteur. Ce qui est faux. On ne pourra pas nourrir 12 millions d'habitants avec un peu de fantaisisme comme ça. J'ai dit on doit créer un secteur d'agriculteurs et d'éleveurs conscients qu'ils sont obligés de produire pour nourrir toute la population. Parlons de cette loi, de cette politique d'élevage en stabulation permanente. Merci beaucoup. Okay. Et c'est dans cette loi donc où je dis il y a des mesures qui regardent la population. Ce sont la plupart des fois des interdictions. On dit on ne pourra plus faire ça. On ne va plus faire le bétail ne va plus divaguer. On interdit certaines choses à la population. Et la population est tout à fait d'accord. Elle attend comment on vivra après. Il y a un autre côté. C'est le gouvernement qui se dit, je dois investir. Et vous l'avez bien fait en citant au début, dans votre introduction, le gouvernement s'est fixé 10 mesures. La première étant de vulgariser la loi. J'ai aimé que le ministre ait dit que c'est ça qu'ils ont fait essentiellement, de vulgariser. Mais en réalité, ils doivent renforcer les capacités des éleveurs. C'est là où je dis, l'éleveur d'aujourd'hui ne doit plus être comme l'éleveur d'hier. Vous estimez que les éleveurs sont sensibilisés? Je ne le crois pas. On leur a dit juste qu'au mois d'octobre, en 2021, ils vont arrêter de faire divaguer leur bétail. C'est tout ce qu'ils savent. Mais ils ne savent pas comment ils vont faire pour s'organiser. Je déplore qu'il a dit, si vous voulez, que les gens comprennent ça. La loi, c'est quoi? Quand vous imposez votre loi à la population, ils l'acceptent. Mais ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit qu'au fond d'eux, ils sont convaincus. La population a besoin. Ils sont contraints, c'est ce que vous dites? Je suis convaincu qu'ils sont contraints. Parce qu'ils ne comprennent pas comment ça va se passer. Regardez, par exemple, la sixième mesure. On dit la facilitation de l'accès au crédit pour les éleveurs. L'éleveur burundais, c'est qui aujourd'hui? C'est quelqu'un qui n'a même pas de compte en banque. On sait aujourd'hui le taux de crédit en banque. Est-ce que cet éleveur, il est même capable d'aller en banque? Je suis conscient. C'est finalement un grand défi. C'est un grand défi, effectivement. Non pas pour la population, mais pour le gouvernement. Le gouvernement a été élu pour amener à bon port une population dans un secteur donné aujourd'hui qui est l'élevage. Et on doit être convaincu que si le gouvernement ne fait pas sa part de responsabilité, la population n'y arrivera pas. On va suivre comme des moutons, quelque part, accepter de suivre une loi, mais en réalité, quel est l'objectif de l'élevage? C'est d'amener la production de viande, d'œufs et de tous les produits de bétail à pouvoir nous satisfaire. Mais malheureusement, on aura une loi qui nous amène à respecter certains principes sans être capable de produire. Et c'est là où je dis, on va tellement parler ici, quel est l'investissement, la part de l'investissement de l'État pour que cette loi entre en vigueur. Ce n'est donc pas une question vous de Vous estimez moi. Que la part de l'investissement de l'État, elle est comment, cette part? C'est la loi qui le dit. Je reste perplexe par rapport à ça. Est-ce qu'on a préparé les éleveurs? On les a préparés à être vraiment des éleveurs capables de gérer des entités de production. Est-ce qu'on les a préparés? Est-ce qu'on les a préparés, par exemple, à être capables de demander des crédits dans les banques? On leur dit, allez-y, vous-même le faire. Regardez, on a dit quelque part, l'organisation des éleveurs en association, est-ce que c'est eux qui vont le faire? Quelque part, on le dira. Il y a des conditions préalables qui doivent être mises en place pour que quelqu'un se mette en association. Regardez l'autre. Il y a la huitième loi, la généralisation de l'insémination artificielle. Qui le fait? On entend quelque part que ça peut être fait, mais est-ce que le gouvernement a prévu ça? Est-ce qu'on a un centre, ici on parle de l'ISABO, est-ce qu'on a un centre véritablement de scientifiques qui vont suivre ça? Qui est financé et qui a des fonds? Il y a quelque part, on parle, la cinquième mesure, on dit la mise en place d'un fonds de subvention des intrants d'élevage. Est-ce que ce fonds est déjà mis en place? J'ai l'impression donc que le ministre est en train de dire à la population, gare à vous. Ce sont des mesures qui peuvent faire objet de discussions. Honorable Gaston Sidimo, vous étiez au gouvernement du temps de cette promulgation de la loi. Est-ce que vous pouvez nous révéler quelque chose par rapport à ces 10 mesures qui se trouvent à l'article 36 de cette loi sur l'élevage en stabulation permanente, interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour? Est-ce qu'il y a... Ces 10 mesures, elles font objet de discussions, de débats. Vous savez, quand nous avons analysé cette loi et que nous avons vu que cette loi ne peut pas être mise en application immédiatement, c'est pour cette raison que nous avons formulé, ou le ministère a formulé, ces conditionnalités pour mettre en application cette loi. Aujourd'hui, quand vous lisez même... En tout cas, le gouvernement, quand vous lisez même, doit engager des fonds. Quand vous lisez même cette loi, cet article, c'est stipulé que les mesures préalables quand vous dites que ce sont les mesures préalables, c'est-à-dire que avant d'entamer ou avant d'entrer, de mettre en application cette loi, il faut que ces mesures soient remplies. Est-ce que ces mesures sont-ils remplies aujourd'hui? Je suis d'accord. Quand vous dites la vulgarisation de cette loi, vulgarisation, ce n'est pas aller leur dire que demain ou après-demain, vous allez faire ça et ça. C'est montrer aux éleveurs la place où ils vont planter l'herbe pour cette élevage. C'est montrer aux éleveurs l'espace réservé pour l'élevage, l'espace réservé pour l'agriculture, pour qu'il n'y ait pas de divagation. Donc, toutes ces mesures ont des préalables. Est-ce que les 39 articles qui constituent cette loi sont-ils réunis réellement aujourd'hui, respectés pour que cette loi soit mise en application? C'est ça les conditionnalités. Quand vous entendez le ministre, je connais le ministre et comment il travaille, je connais le ministre que c'est un homme de terrain. Est-ce qu'aujourd'hui il a évalué et trouvé que ces conditions sont remplies? Il disait quand ici à Rococo, pour les gens qui font l'élevage là à Rococo, ça n'a pas été un forcing ou ça n'a pas été, ce n'était pas une loi. On a interdit l'élevage, la divagation en ville, et les gens, le gouvernement a déterminé la zone de cet élevage et tout le monde est parti. Aujourd'hui, le gouvernement, le ministère de l'Agriculture et de l'élevage a-t-il déterminé les espaces d'élevage dans toutes les collines, dans toutes les communes? Parce que ceci, quand je vous disais, c'est un long programme, c'est un programme vaste qui va de pair avec le programme national de développement. Vulgarisation de la population, agriculture mécanisée, l'élevage tel que nous le concevons, tout ça devrait rentrer en même temps. Il y a le gouvernement qui a aussi ce devoir de mettre à la disposition des éleveurs, des animaux reproducteurs et d'élevage à haut potentiel génétique. Est-ce que cela est fait? Vous savez, aujourd'hui, quand je vous dis ça, le ministre est en charge de l'agriculture. Je sais qu'il a mis en réserve où on a des semences. Vous savez, aujourd'hui, on fait des séminations artificielles. C'est par là qu'on change de race. Donc, je pense qu'au niveau du ministère, et on a mis en place le stock de semences pour pouvoir inséminer le bétail. Est-ce que c'est opérationnel? Comment opérationnaliser cette tas de choses? Donc, c'est tout ce gymnastique qu'il faut analyser et pouvoir dire maintenant la loi peut être mise en application. Il y a un troisième intervenant à cette émission Mosaïque, c'est le président de l'Association burundaise des consommateurs Abuko en sigle, Pierre Ndouayo, qui a accepté de s'entretenir avec nous, mais au téléphone, parce qu'il a été empêché à la toute dernière minute. Mais quoi qu'il en soit, il nous dit ses impressions sur cette politique d'élevage en stabulation permanente, interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour. Il nous donne ses impressions, son point de vue. Au niveau de la Boko, et notre sentiment, c'est vraiment un sentiment de grande satisfaction parce que nous disons que cette politique avait vraiment traîné à être mise en application. Donc nous saluons énormément la mise en place de cette loi contre la stabilisation permanente. Apparemment, 3 ans semble être une période relativement suffisante, mais au niveau de la Boko, nous déplorons une chose, c'est que malgré la mise en place de cette loi n'a pas été vulgarisée auprès de la population pour d'abord vulgariser le contenu de cette loi, ce qui doit être mis en œuvre, quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Et puis aussi, pour pouvoir recueillir les réticences ou les problèmes des usagers, notamment les éleveurs eux-mêmes ou la population en général, mais nous constatons que cette vulgarisation, d'après nous, devait être faite à grande échelle, n'a pas d'ici d'idée, ce qui fait que nous avons vraiment des inquiétudes sur la réussite de ce très beau programme, parce que la vulgarisation n'a pas été vraiment. Vous avez un certain sentiment, mais quelle serait justement la part des uns et des autres? Je veux dire ici la part de la responsabilité du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement qui représente le gouvernement burundais et la part aussi des éleveurs en ce qui est la mise en application de cette loi qui entre en vigueur le 4 octobre. Qu'est-ce qui devrait être fait par les uns et les autres? Merci beaucoup. Pour la réussite de toutes les politiques, c'est vraiment tous les intervenants sont intéressés, bien que peut-être le rôle ou les responsabilités des uns des autres. Et au niveau de la Bourgogne, nous voyons que le rôle d'abord du gouvernement est très présent. C'est lui qui traite la politique, notamment qui est traduit par la mise en place d'une législation d'une réglementation ce qui a été fait. Et en deuxième lieu, et la sensibilisation ou la vulgarisation de cette loi, et notamment auprès des usagers, elle est vraiment d'une importance très capitale. Je disais tout à l'heure que cette vulgarisation à notre niveau, je pense qu'elle n'a pas été suffisamment faite, tout ce qui fait que nous avons exprimé aussi des inquiétudes. Mais mieux vaut tard que jamais. Et je crois que comme la loi a déjà été mise en œuvre, ce que nous avons beaucoup salué, le gouvernement devrait commencer dès maintenant et à faire la vulgarisation de cette loi, à préparer la population sur le changement pratiquement de toutes les cultures au niveau de l'élevage. Et c'est vraiment une grande préoccupation qui devrait être prise en compte. Et puis aussi, le gouvernement m'a montré ce qu'il a déjà fait pour que cette politique réussisse. Et en deuxième lieu, le rôle des éleveurs eux-mêmes. Les éleveurs qui doivent absolument changer leur mode d'élevage, quand vous promenez à gauche et à droite, constatez que dans la plupart des provinces de notre pays, c'est plutôt à l'élevage qui se fait. Donc les éleveurs, alors là, ils doivent absolument changer leur mode d'élevage et pour le faire, ils doivent mettre en place les logements appropriés, doivent s'adonner à la culture, l'alimentation de bétail, doivent se procurer des produits pour le soin de bétail qui peuvent être élevés de façon capable. Voilà, donc un certain nombre d'activités que les éleveurs doivent faire, mais aussi la population en général ou les consommateurs de façon générale, ils ont un rôle, un grand rôle dans ce cas de vue. Parce que, sous d'autres yeux, la population aussi a des demandes pour les produits d'élevage, doivent exiger la qualité de lait qu'ils doivent avoir, doivent exiger la qualité de la viande qu'ils doivent avoir. Donc voilà, c'est tous ces intervenants mis en place. Donc les uns et les autres devraient alors montrer les préoccupations et le gouvernement devrait aider à ce que les résistances soient levées, à ce que les mesures appropriées mises en place soient exécutées et comme ça serait pour le bonheur de tout le monde et pour la réussite. Merci beaucoup Pierre Noaille, président de l'ABUCO, Association burundaise des consommateurs. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci aussi au niveau de l'ABUCO de vous remercier et de tenir en considération ce dossier qui est vraiment d'une grande importance, surtout la veille et de l'expiration de la période de mise en place de stabilisation préparatoire. Et nous revenons sur le plateau. Francis Nohero, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2020, estimez-vous que les délais seront respectés quant à la mise en application de cette loi? Est-ce que vous estimez que les délais seront respectés? Nous nous approchons de plus en plus du 4 octobre 2021. Oui. Donc, je resterai juste sur un cap. Le problème de cette loi n'est pas le délai. C'est comme si vous voulez envoyer un enfant à l'école. Vous attendez juste qu'il ait 3 ans ou qu'il ait 7 ans selon la norme. Et qui, le moment arrive, mais vous ne lui avez pas acheté de cahier. Il n'a pas d'ardoise. Il n'a rien et vous voulez que l'enfant aille à l'école. Donc, pour moi, il faudrait qu'on comprenne les choses dans ce sens. La réalité est très simple. La loi, on a dit, elle est très bonne. l'honorable Ndoyo, tout le monde a dit, c'est une loi honorable. Mmh. On veut changer de cap, on veut aller quelque part. Mmh. On veut arriver à donner à la population burundaise des produits d'élevage de qualité. Et je veux que les gens comprennent. Mmh. Ce n'est pas une question de loi seulement, c'est la question du devoir d'État. Mmh. L'État qui s'est donné des mécanismes. Si même on donnait 10 ans, cette loi n'entrera jamais en vigueur tant que le gouvernement ne fait pas son devoir. Et son devoir, il est aussi simple que ça. C'est juste qu'il finance ce qu'il doit financer. Si on décide que l'éleveur burundais garde ses vaches, s'il en a, garde ses vaches dans un enclos, c'est-à-dire qu'il fait quoi? Il doit avoir un revenu pour le faire. Il ne peut plus le faire comme il le faisait avant. Il doit avoir un mécanisme pour avoir de l'herbe, de la meilleure herbe. Où est-ce qu'il va la trouver? Soit il va l'acheter. S'il n'achète pas, il doit la cultiver. Et il doit avoir de l'espace. S'il n'a pas de l'espace, il doit lui-même chercher des mécanismes de financement pour le faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? À la limite, il va cesser son métier. Et c'est ce qu'on nous a dit. Ndoyo l'a dit tout à l'heure. Hein, il y a des éleveurs qui commencent à vendre leur bétail parce que dans la mesure, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils ne comprennent pas l'amélioration du métier, mais ils comprennent que c'est plutôt une mise en garde. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des punitions. C'est ça que moi je comprends. Et il vend son bétail. Il vend son bétail, il se dit, j'ai pas besoin de problèmes. Hein, celui qui va le garder, si le moment venu, il ne trouve pas assez de moyens pour le faire, quelqu'un qui n'était pas capable hier de nourrir ça à ses enfants, comment il va trouver la capacité de nourrir ses bœufs? À la limite, s'il en avait 10, il va lui en rester un seul. Et il faudrait qu'on comprenne quel est l'objectif de cette loi. C'est pour nous amener à une maximisation de la qualité, de la quantité aussi des produits d'élevage. On ne pourra pas le faire. Je me plais de ce qu'il a dit, l'honorable. Cette loi doit entrer, je le disais dans mon programme, doit entrer en faisabilité avec d'autres connexions, d'autres programmes. Il faut d'abord qu'on laisse l'espace. Le peuple burundais ne va plus vivre sur tout le territoire comme si on était des bœufs. Il faut qu'on sache la population va habiter où. J'ai dit tout à l'heure qu'on était 2 millions à un certain moment. Dans le programme de villageisation. Il faut qu'on le sache. Voilà. Et cela, il faut qu'on comprenne. On n'aura pas, toute la population burundaise ne sera pas nécessairement éleveur. Parce qu'à un moment donné, l'élevage, c'était comme une culture. Vous êtes une famille qui se porte plus ou moins bien. Vous cherchez un peu de bétail qui vous aide à la fin du mois ou qui vous aide quelque part quand les rentrées scolaires arrivent. Aujourd'hui, si on n'est pas dans cette situation, il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire cet élevage. Il faut que le gouvernement fasse une sensibilisation et qu'on sache dans chaque commune combien de personnes sont capables d'aller dans cet élevage que je dirais industriel. S'ils sont 5, il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas nécessairement cette basse population qu'on prend juste à la légère. C'est des gens qui sont des économistes. C'est des scientifiques qui doivent le faire. C'est toutes ces natifs de nos communes qui ont aujourd'hui des moyens, qui ont la capacité d'entrer dans les banques, qui vont ouvrir pour se dire, hier on parlait que l'intellectuel c'était quelqu'un qui était dans le bureau. Mais vous estimez que les responsabilités des uns et des autres, c'est comment? La responsabilité par exemple du gouvernement, la responsabilité aussi des éleveurs peut-être? Je ne parle pas de la responsabilité des éleveurs. Cette loi a été tellement bien faite parce que la plupart des lois, on ne dit pas ça. J'adore cet article 36. Il faut même que vous le mettiez peut-être à l'écran à un moment donné avant l'émission, l'article que les gens 36. Voient comment ça a été écrit. L'article 36. Parce que la plupart des lois, on les fait, mais on ne dit pas ce qui va se faire. Aujourd'hui, on a dit ce que le peuple doit faire. Et ce que l'État doit faire, les mesures préalables d'accompagnement, je suis d'accord que l'honorable, il faut que les gens comprennent, cette loi n'entrera pas en vigueur si ceci n'a pas été fait. Et moi, je ne suis pas en train de... Vous estimez que cet article, cette disposition 36 de la loi, est jusqu'ici appliquée par le gouvernement, jusqu'à quel niveau? Pas du tout. Je dis peut-être à 2%. Parce que le ministre nous a dit lui-même, il a dit qu'il y a eu juste une vulgarisation de la loi. C'est la seule loi sur les 10. Et c'est la seule mesure. Voilà, c'est la seule mesure. Il ne nous a rien dit par rapport au renforcement des capacités des éleveurs. Il n'a rien dit sur l'extension du service d'encadrement. Il n'a rien dit sur la disponibilité de l'application de semences fourragères. Encore moins sur le fonds de subvention. Je pourrais aller jusqu'au bout. C'est beaucoup. C'est beaucoup et rien n'a été fait. Et la plupart de ces mesures nécessitent des moyens financiers, des moyens techniques, de l'enseignement. Vous parlez aussi de la facilitation de l'accès au crédit pour les éleveurs. En effet, En effet, c'est tellement de choses qui nécessitent des moyens techniques, des moyens financiers qui n'ont pas été faits. Il y a aussi délimitation des zones publiques d'élevage. On ne peut pas faire cette délimitation tant qu'on vit sur le territoire tel qu'on en a envie. Donc, c'est beaucoup de choses qui doivent être faites. Et moi, je dirais ici, c'est le gouvernement qui doit lui-même entrer dans sa retraite, se poser des questions. Est-ce qu'on est en train de jeter la balle à la population ou c'est à nous d'abord de jouer? C'est le gouvernement qui doit jouer. Ce n'est pas au peuple de jouer dans ce cas-ci. Qu'est-ce que vous allez dire, honorable Gaston Sindimo, par rapport à cette responsabilité du gouvernement dans la mise en application effective de cette loi en rapport avec l'élevage en stabulation permanente? Vous savez, monsieur le journaliste et même les auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, cette loi que je vous ai dit rentre dans le programme national de développement du pays. Et cette programme national de développement du pays, ça englobe plusieurs secteurs. Et chaque secteur est complémentaire de l'autre. Je vous dis par exemple aujourd'hui, nous avons un ministère qui a changé de nom, on dit un ministère des infrastructures, et on met derrière logements sociaux. Pourquoi on a amené logements sociaux? C'est parce que d'abord, tel que les Burundais vivent aujourd'hui, on ne peut pas continuer à vivre aujourd'hui tel qu'on vit aujourd'hui. Les Burundais à l'intérieur, dispersés comme ils sont dispersés aujourd'hui, et pouvoir mettre en application ces lois ou d'autres lois qui vont venir. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, par exemple, nous avons le Buha qui a englobé urbanisme, écosate et autres choses. C'est dans cette mesure où les logements sociaux devaient se mettre en place. Mettre en place, comment villagiser la population burundaise. Et surtout, en les mettant en village, on gagne du terrain. En gagnant du terrain, on fait l'agriculture mécanisée et on fait l'agriculture, l'élevage tel que nous le concevons par cette loi. Quand je vous dis, cet article 36, ça montre réellement ce qu'il faut faire. Cet article, c'est le préalable pour la conditionnalité de mettre en application cette loi. C'est cet article-là. Est-ce que tous les points de cet article sont réels aujourd'hui? C'est le ministre de répondre. Quand le ministre dit le 4 octobre, la loi devrait être mise en place, je ne peux pas dire non avec lui. Et par ailleurs, il faut continuer à le dire pour faire pression au gouvernement et faire pression aussi à la population. Arriver à la date butoir, c'est le gouvernement qui devrait analyser est-ce que c'est possible de mettre en application cette loi ou il faut encore retarder cette loi. Donc, je pense qu'on va analyser en fait, et voir si c'est possible. Le 4 octobre 2021, ça devient de plus en plus proche. Est-ce que vous estimez que le 5, le 6, le 7, le 10 octobre, et, il y a des punitions qui vont entrer en application pour des récalcitrants, pour des gens qui ne mettent pas en application la loi? Vous savez, le ministre a dit qu'il y a certaines provinces qui l'ont déjà mise en application. C'est une bonne chose. Et nous aimerions que cette mesure soit mise en application par une approche participative où tout le monde rentre sans qu'il y ait des punitions derrière lui. Est-ce que si le 4, on trouve que 90% des élèves n'ont pas encore mis en application, il faut les punir tous? C'est difficile. Donc, le gouvernement est là, comme le dit les Tamziei, ils vont analyser. Je vous dis encore une chose. Cette loi n'a pas encore été en application. Cette loi peut être approchée, ne vous en faites pas, et ou changée, ou modifiée, ou amendée, proposée par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas une loi qu'on doit mettre en application, telle qu'elle est aujourd'hui. Le gouvernement, même une loi qui est déjà mise en application aujourd'hui, le gouvernement peut le changer. Espérons que le ministère, quelqu'un du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement pourra nous dire beaucoup plus sur cette loi, ou pourquoi pas le ministre lui-même s'il a cette occasion, s'il a cette opportunité, du temps pour nous dire beaucoup mieux par rapport à la mise en application de cette loi avant justement le 4 octobre 2021. Vous pourriez nous avoir capté en cours de route à travers l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la politique de l'élevage en stabulation permanente et interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour. Une loi qui entre en vigueur justement le 4 octobre 2021, si rien ne change du moins. Deux invités sont avec nous sur le plateau. Il y a un troisième qui a accepté que l'on s'entretienne au téléphone. Les deux invités, ce sont Honorable Gaston Sindimo, député de l'Assemblée nationale, ancien candidat à la présidentielle de 2020. Et il y a aussi un ancien candidat, quelqu'un qui a été candidat à la présidentielle, c'est Francis Rohiro. Sans transition, une question encore une fois au plateau. Quels seraient les défis, mais aussi la valeur ajoutée une fois la loi mise en application, Francis Rohiro? Merci. Les défis, au fait, pourquoi on met une loi en place? C'est parce qu'on veut améliorer la vie de la population. Et j'ai l'impression que pour moi, le défi, il est en train de devenir juste le fait de respecter quelque chose, de respecter un mot. Et c'est ce qu'on va voir le moment venu, peut-être quand la date victoire aura été atteinte. On aura peut-être, on va voir des gens se faire arrêter parce qu'on a vu une vache, une chèvre quelque part. Il y a des gens qui vont profiter pour demander des pourboires aux gens parce qu'il s'est passé ce qu'on a interdit. On pourrait avoir des problèmes plus graves que ce qu'on voyait avec les relations entre agriculteurs et éleveurs. Et moi je dis, le grand défi, il revient à la case de départ, que le gouvernement comprenne qu'il veut donner à la population une meilleure situation et qu'il lui appartient, à lui, au gouvernement, il lui appartient de créer ce mécanisme. Je ne voudrais pas qu'on attende le 4 octobre. Heureusement qu'il y a Radio Isanganiro qui fait ce débat aujourd'hui, qui nous invite, parce que si cette loi, si le mécanisme était ordinaire, on ne serait pas en train d'en parler. La population aurait adhéré naturellement à ce mécanisme. Les 3 années seraient passées dans la douceur en entrant vers là. On aurait aujourd'hui, comme il a donné des exemples à Rococo, on aurait dans tout le pays des mêmes mécanismes comme à Rococo. C'est pour cela que je dis, on ne devrait pas attendre le 4 octobre, plutôt que le gouvernement, heureusement qu'il a dit à temps, et que nous tous nous soyons sensibilisés pour participer, pour donner notre part d'approche, qu'ils comprennent que le gouvernement, s'il ne s'est pas piégé, qu'il l'a fait exprès, et heureusement que c'est le même ministre qui est toujours là. Il y aurait un nouveau ministre, et il nous dirait que ce n'est pas lui qui l'avait fait. Je suis très heureux qu'il est le même, qui a mis le projet de loi devant le Conseil des ministres il y a 3 ans, qui a été reconduit pour continuer cette politique. Et je veux qu'il se ressaisisse et qu'il dise à la population. Il maîtrise le secteur. En effet, je veux qu'il se redresse lui-même, qu'il dise à la population, il y a des choses qu'on n'avait pas fait. Et je suis convaincu, le gouvernement du Burundi, qui vient de hausser, si vous voulez, le budget de l'État cette année, alors que nous, on disait qu'il faut diminuer le budget. Du moment où on se rend compte que la population burundaise n'est pas en activité pour augmenter ses impôts, les impôts ont augmenté, il faut que plutôt ils se disent, quelle est la part de l'élevage dans ce qu'on fait en matière de développement dans le pays. Et qu'ils comprennent que s'ils ne mettent pas la main dans la poche, ils ne pourront pas avoir le bien qu'ils désirent pour la population. Alors, c'est à eux, la balle est dans leur camp, et dans le camp du gouvernement, il faut qu'ils comprennent que ce que nous disons, nous ne sommes pas en train de crier juste pour crier. Il faut qu'ils comprennent que nous voulons leur bien. Ils ont été élus pour gouverner. Ils ont été élus pour nous faire avancer d'un point A où on était il y a 2 ans, d'un point B peut-être où on sera le moment venu. Donc j'ai l'impression que le gouvernement insiste sur ce qu'on doit faire. Et j'ai regardé ici à côté de moi une loi qui parle des amendes. La loi à l'article 33 qui parle des amendes. C'est la loi sur la stabulation. Oui, en effet. C'est comme si je vois quelque part, il y a des amendes pour la population qui n'aura pas, qui n'aura pas fait ce qu'on veut. Mais malheureusement, il n'y a pas des amendes pour le gouvernement qui n'a pas encore fait ce qu'il doit faire. J'aurais aimé qu'on arrive aujourd'hui à les sanctionner à mi-parcours, qu'on dise, s'il vous plaît, vous deviez faire ça. Ça fait 1 an que vous avez été élu. Payer des amendes. Oui, en effet. Et à la limite, si ce n'est pas prévu, qu'ils se disent finalement, il faut qu'on fasse profil bas et qu'on accompagne son peuple. Qu'on ne fasse pas payer l'amende à la population qui nous... Ça, on ne le fera pas, parce que la loi ne pourra pas entrer en vigueur tant qu'ils n'auront pas fait ça. Mais malheureusement, celui qui sera à la commune, il se précipitera pour faire payer des amendes aux gens, alors que le gouvernement n'a pas fait son devoir. Sauf, par exemple, cette facilité, toutes ces facilités qu'ils doivent créer, il faut qu'ils les créent. Et je voudrais qu'on leur dise, j'ai vu le budget de l'État, il y a 2 jours, j'expliquais aux gens qu'il y avait des choses qui sont encourageantes là-dedans. Il faut qu'ils se disent, maintenant, mobilisons cet argent pour des lignes de crédit dans le budget de l'État qui sont dans la production. Et c'est le seul salut de son peuple, c'est qu'on finance la production. Sans financer la production, on n'ira nulle part. Sinon, selon vous, il y a des avantages, une valeur ajoutée par rapport à cette loi si elle est bien mise en application. En effet, il y a des avantages. J'ai parlé tantôt, il faut qu'on arrive à gagner de l'énergie de notre bétail. Un bétail qui est toujours en divagation, ce n'est pas pour l'intérêt de ce bétail, ce n'est pas bien. Il faut qu'on minimise l'augmentation des parasites. Quand le bétail reste en pas de cage, on sait qu'on limite les maladies sur les communes. Il y a la limitation des conflits entre les populations. Il y a tellement de conflits dans la justice entre les éleveurs qui n'ont pas de pâturage et les agriculteurs qui travaillent dans les champs. Et on a toujours des conflits qui pourraient diminuer si une fois cette loi a été mise en application. Il y a aussi, par exemple, la possibilité de quitter un élevage que je dirais archaïque vers un élevage industriel capable d'offrir à l'économie de ce pays une possibilité même d'exportation. Parce que si cette loi entre en vigueur, si on travaille sur les groupements, des groupements de vrais éleveurs en réalité qui ont des financements, on pourra exporter nos produits d'élevage dans les pays limitrophes et même très loin en Afrique et partout dans le monde. La même question, honorable Gaston Sindimo, par rapport aux avantages, à la valeur ajoutée par rapport à cette politique d'élevage en fabulation permanente. Bon, je vais vous dire comme les autres l'ont dit, les avantages sont énormes si cette loi est capable d'être mise en application. Pourquoi est-ce que cette loi n'a pas été mise en application lors de sa promulgation? C'est ça la question. Pourquoi? Parce que en lisant les pénalités, en lisant ceci ou cela, c'était facile de le mettre en application. Mais on a trouvé qu'il n'est pas encore temps de la mettre en application. C'est ça le défi. Le défi majeur, c'est ça. Et je vous dis, cette loi est basée sur le seul article 36. C'est la conditionnalité de la mise en application de cette loi. C'est l'article 36. Quand je vous dis la tête de cet article, c'est bien clair. Mais il préalable pour mettre en application... La loi. C'est à nous, les autorités, c'est au gouvernement de faire une analyse rétrospective. Est-ce que ce qui a fait que cette loi ne soit pas mise en application a été fait? Il a dit 10 conditionnalités ou 10 mesures de mettre en application. Nous avons déjà mis en application combien? Par rapport à ces mesures que nous avons déjà mises en application, nous trouvons que cette loi est possible d'être mise en application. C'est cette conditionnalité, seule cette conditionnalité qui amènera le gouvernement à mettre en application cette loi. Moi, je vous ai dit, quand le ministre dit que la loi sera mise en application à telle date, c'est tout à fait normal, c'est toute autorité devait le faire. Parce que si je dis que on va faire 10 ans ou 5 ans comme les gens le disent, tout le monde va traîner les pieds. Donc, le gouvernement analysera au moment opportun la possibilité de le mettre en application ou la possibilité de modifier cette loi. Donc, moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de problème. Le gouvernement est là pour ça et je pense et j'ai confiance que les choses iront très bien. Il peut y avoir un autre problème, honorable Gaston Sindimo. Nous tendons vers ce 4 octobre, début octobre. Ça peut être une prolongation, un prolongement de la période d'été où les herbes, les pâturages, les herbes ou le fourrage ne soit pas à la portée de tous les éleveurs. Et la période d'été, c'est difficile pour les éleveurs. N'est-ce pas là un autre problème. Oui, c'est un problème. C'est ce que je disais. Le gouvernement va analyser tous ces problèmes. Mm-hmm. Parce que le gouvernement n'est pas obligé de mettre en application cette loi. Le gouvernement peut même modifier cette loi ou amender cette loi. Mm-hmm. Donc, le gouvernement analysera au moment opportun l'efficacité de cette loi ou ce qu'ils vont faire de cette loi par rapport à ça. Et alors, tant que vous avez le micro, des propositions de voix pour que cette loi sur l'élevage en stabulation permanente et interdiction de la divagation des animaux domestiques soit bénéfique et pour les éleveurs et agriculture sans doute, et aussi pour l'État. Bon, vous savez, ce que nous demandons, c'est quoi? D'abord, il faut que les éleveurs ne paniquent pas. Parce qu'il n'y a pas fait dans la maison. Il faut aussi que le gouvernement fasse une rétrospective par rapport à cette loi. Est-ce que toutes les conditionnalités que nous croyons mettre en application sont-ils là? Je sais qu'il y a quelques éléments qui sont déjà là, mais est-ce que c'est suffisant pour que la loi soit mise en application? C'est cela. Le reste, je pense que le gouvernement est là pour travailler pour la population et est là pour les éleveurs aussi, parce que les éleveurs sont la population. Donc, nous cherchons un meilleur rendement au niveau de l'élevage. Donc, le gouvernement sera conscient de ça et va faire des analyses. Et même, ils vont faire, même au niveau même du Parlement, on peut envoyer même la commission permanente qui est chargée de l'agriculture pour évaluer réellement si cette loi pourra être mise en application et produire les effets qu'on escomptait. Merci. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose, M. Francis Rohiro, par rapport à ces propositions de voix pour que cette politique soit bénéfique pour tout le monde? Merci. Il faudrait qu'on se rappelle que de quelque chose, le secteur de l'élevage est capable de produire dans notre pays jusqu'à 1 million d'emplois, si cette loi était bien appliquée. Est-ce que vous démontrez ça? Je peux le démontrer et je l'ai dit dans mon programme. Il faut que les gens comprennent. On a juste, je parle de l'élevage. Parce que aux deux, l'élevage et l'agriculture peuvent mettre au travail plus de 3 millions de Burundais. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache ce qu'on veut. Je ne voudrais pas que le gouvernement cherche à amender cette loi comme si elle est impossible, qu'on ne pourrait pas la mettre en pratique. Au contraire, je les inviterai à une retraite très rapidement. Il faut qu'ils se posent des questions, qu'ils se disent retraite où est-ce qu'on sur est en train cette loi. Oui, pas seulement cette loi, mais sur beaucoup de choses. Ils doivent se poser des questions. Ils sont en train de chercher un budget important pour faire des activités. Ils doivent se poser des questions où est-ce qu'on va trouver l'argent. Si on n'investit pas dans la production et de façon générique, l'agriculture et l'élevage, on ne pourra pas marcher. Je ne voudrais pas qu'on en parle juste quand on est dans des campagnes électorales, que juste que ça reste là. Il faut que les gens comprennent. Je ne voudrais pas, si un jour il arrive que moi j'aille au pouvoir, que je trouve un pays délabré dans 7 ans, dans 6 ans ou dans 14 ans. Vous y pensez toujours? J'y pense toujours. Vous avez toujours ce rêve? Il faut que les gens comprennent que c'est une vision, pas nécessairement moi, mais les gens qui pensent comme je pense, qui ont cette vision. Je veux qu'aujourd'hui le gouvernement se dise, on ne voudrait pas que l'élevage au Burundi disparaisse. Si cette loi n'entre pas en vigueur, notre élevage est en train de disparaître. Même si on permet à cette population, indépendamment de cette loi, si on permet à cette population de continuer à laisser la divagation, si on continue, par exemple, il faut vous rendre compte que les arbustes dans nos forêts disparaissent parce que les caprins, ils détruisent les arbustes. Il faut qu'on se rende compte, notre environnement est vraiment en danger à cause de la divagation de l'élevage. C'est pour ça que je dis, il faut que les gens comprennent, cette loi doit entrer en vigueur le plus rapidement possible. Et il ne faudrait pas que le gouvernement dise que c'est à la population de le faire. La population n'est pas capable de le faire. Il faut que le gouvernement mette la main dans sa poche et qu'il investisse pour que cette loi entre en vigueur. J'aurais voulu que quand ils y ont pensé en 2018, parce que moi je l'avais écrit dans mon programme depuis 2015, c'était là, mon livre est sorti en 2014. J'étais très content en disant. En 2015, vous ne vous êtes pas porté candidat. Je ne me suis pas présenté, mais j'avais sorti mon programme. Je ne le fais pas juste pour me présenter aux élections. Je le fais parce que je vais contribuer à l'amélioration de la pensée dans mon pays. J'ai dit, il faut qu'on arrive à regarder ce qui se passe. On ne peut pas vivre comme on vivait avant. il faut que cette loi entre en vigueur. En 2018, j'étais très content. Quand j'ai remarqué qu'ils avaient donné... Est-ce que le programme, vous le gardez sur vous ou vous le partagez avec le gouvernement, même si vous n'avez pas gagné C'est un document public que tout le monde peut consulter, le gouvernement ou n'importe qui. Je me plairais, j'ai dit hier que j'étais content que quelques mesures qui sont là-dedans ont été prises en compte par le gouvernement. Je ne sais pas s'ils l'ont fait sciemment ou s'ils le font juste comme ça, mais je vois des choses qu'ils font, qu'ils n'avaient pas dit dans leur programme, mais qu'ils essaient de faire parce que moi j'en avais parlé. Ça me plaît, c'est vraiment un honneur pour moi. Mais je veux que les gens comprennent. Si on continue comme ça, on n'ira pas nulle part. Il faut que le gouvernement se dise, nous voulons produire dans l'élevage, nous voulons produire dans d'autres secteurs. Il faut, s'il vous plaît, et c'est pour moi un cri, il faut qu'on investisse dans son domaine, il faut que les Burundais trouvent du travail, il faut qu'on investisse dans ce domaine pour que la production augmente, cette production qui peut être exportée, qui peut nous faire entrer beaucoup de dollars dans ce pays dont on a besoin. Le Burundi a besoin de devises, le Burundi a besoin des gens qui travaillent. Il ne faudrait donc pas qu'on ait peur de cette loi. Il faut que le ministre se dise, on ne le fait pas pour nécessairement obliger les gens. Plutôt, il faut qu'on les amène à comprendre. Et le rôle du gouvernement, cet argent dont on parle, c'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent des membres du gouvernement, c'est l'argent du contribuable. Et quand les gens donnent des impôts, il faut qu'ils se disent, l'impôt était élevé, mais cet impôt nous a servi quelque part. Merci. Merci Francis Rohiro. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Je rappelle que vous avez été candidat à la présidentielle de 2020 et merci de cette contribution à l'émission Mosaïque. Merci, c'est moi qui vous remercie plutôt et je remercie tous les auditeurs et les téléspectateurs de Radio-Télévision Isanganiro. Et je vous félicite pour la télévision qui n'était pas ici il y a peu. Merci. Honorable Gaston Sindimo, député de l'Assemblée nationale, vous avez été élu en mairie de Bujumbura. Vous avez été aussi premier vice-président de la République et du temps où cette loi a été votée, promulguée. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à l'émission. Merci aussi, M. Vitalio. Merci tout le monde qui nous ont suivis. Et merci aussi à la Radio Sanganiro qui a été toujours disponible pour de telles choses, pour pouvoir améliorer la vie de la population burundaise. Je vous remercie et félicitations pour tout ce que vous faites pour la nation. Merci. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque qui portait sur la loi sur l'élevage en stabulation permanente et interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour, laquelle loi entre en vigueur à partir du 4 octobre prochain, si rien ne change du moins. À la présentation, Léonce Vitaliho. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.